Déguisé en bachelier, le comte se présente à Bartolo comme professeur de chant à la place de Basile indisposé. Après quelques hésitations et contrariétés, la leçon de chant, en fait un magnifique duo d'amour, se déroule en présence de Bartolo, vigilant d'abord, sommeillant ensuite. Puis Figaro, venu pour raser Bartolo, l'occupe en laissant les jeunes gens à leurs confidences et à leurs projets. L'entrée intempestive de Basile compromettrait l'aventure, si la complicité de tous, y compris Bartolo, et l'argument irrésistible d'une bourse ne convainquaient ce gêneur de Basile de sa maladie et de la nécessité d'aller se coucher. Malheureusement, l'habileté du barbier est moins grande que la méfiance du jaloux, qui surprend deux répliques non douteuses des tourtereaux. Figaro et le comte se retirent en feignant de croire à la folie du vieillard. Il est fou, en effet, de fureur et de vengeance.